Je vous dirais tout simplement d'être béni. Nous sommes au début de notre émission, une émission très spéciale. Comme d'habitude, on n'a pas commencé avec le générique, mais nous commençons directement sans entrée, mais avec le plat de résistance. Et le thème central qui sera débattu aujourd'hui et surtout enseigné. Le thème central qui sera enseigné aujourd'hui, c'est la sorcellerie à l'approche des fêtes. Quelle est la différence entre la télépathie et la sorcellerie? Est-ce qu'il y a une différence entre la télépathie et la sorcellerie? Parce que le commun des mortels sait que, surtout les scientifiques savent que c'est une science du mental. La télépathie, c'est une science du mental. Et pourtant, elle existe, elle domine, la télépathie domine toute l'humanité. Elle est utilisée dans le commerce, elle est utilisée dans la politique, elle est utilisée dans la famille, elle est utilisée dans l'église même où les pasteurs font la promotion de ça en disant j'étais dans ta maison, j'ai vu, je t'ai fait faire ça, je t'ai fait faire ça. J'ai demandé à mon esprit de t'amener à faire ça. Et nous allons expliquer, je dois, pas que nous, je dois vous expliquer la différence entre la sorcellerie et la télépathie, si différence existe. Alors, avant de toucher ce domaine, nous savons que la sorcellerie est basée sur la désobéissance. Ce qui s'est produit dans le jardin d'Éden a été une désobéissance envers Dieu, un défi et une attaque à la personne de Dieu, à la personne de Dieu. Le diable a attaqué Dieu, comme je l'avais déjà dit hier, en passant par ses créatures, Adam et Ève. Il a attaqué Dieu de cette façon, comme on peut attaquer un homme en passant par ses enfants. On peut attaquer un chef de famille en passant par sa femme et par ses enfants. On peut attaquer un pays, bien sûr, en passant, bien sûr, par les habitants de ce pays-là. On manipule les habitants de ce pays et puis on attaque ce pays, on détruit ce pays. Et c'est d'habitude dans la politique, c'est comme ça dans ce qu'ils appellent aujourd'hui la démocratie. Pour que le Cameroun soit détruit, je prends un exemple. On ne passera pas par un Tchadien. Ils vont utiliser, ils vont manipuler les quelques Camerounais qui vont se laisser manipuler. Le pouvoir vient de l'extérieur et c'est un pouvoir télépathique d'abord. Avant de parler, de s'adresser à n'importe quel Camerounais, on utilise la télépathie pour faire croire à cette personne que ce que nous allons faire au Cameroun est important pour toi et tu seras bien protégé, bien nourri, bien riche que tout le reste des Camerounais, on va t'accorder les faveurs. Et ça commence en pensée. Donc, un pouvoir télépathique, ceux de l'extérieur utilisent le pouvoir télépathique pour pouvoir donc convaincre les quelques Camerounais. Je prends l'exemple du Cameroun, mais ça se passe comme ça dans tous les pays du monde entier. Dans tous les pays du monde entier, pour détruire ce pays-là, on utilise beaucoup plus aussi la télépathie. Est-ce que c'est différent de la sorcellerie. Nous allons découvrir tout cela tout de suite lorsque nous allons aborder, toucher la parole de Dieu. Vous savez, dans la Bible, il est dit que Dieu nous offre gratuitement la vie éternelle en Jésus-Christ, mais il est parfois difficile de comprendre le processus donc, qui nous permet d'avoir accès à cette vie. Pour cette raison, donc, dans la Bible, Dieu peint plusieurs portraits pour nous aider à saisir ce concept. Chacun de ces portraits met en évidence un aspect particulier. Alors, cette émission, au cours de cette émission, nous allons toucher plusieurs portraits touchant ce concept que Dieu a utilisé, qu'on appelle le salut. Alors le salut, en un mot, qui signifie délivrance. Le salut signifie délivrance. Le salut, faire passer en toute sécurité. Faire passer en toute sécurité. Et le salut, c'est préserver de tout mal. On préserve quelqu'un. Tu es préservé de tout mal. Ça veut dire que tu as obtenu le salut. Tu es délivré. Ça veut dire que tu as obtenu le salut. On te fait passer de la mort à la vie, du célibat au mariage en sécurité. Parce qu'il y a des gens qui se sont mariés dont leur mariage n'est pas en sécurité. Il y a des gens qui ont voyagé et leur voyage n'est pas en sécurité parce qu'ils n'ont pas le salut. Il y a des gens également qui ont été délivrés et leur délivrance n'a jamais été en sécurité. En sécurité. Et ils ont toujours des problèmes, même étant dans la maison de Dieu, étant donné qu'ils ont obtenu le salut, mais ils ont toujours des problèmes, par exemple des problèmes de santé, par exemple des problèmes de ce que nous appelons la pauvreté, la misère, les problèmes de chômage, les problèmes, et même leur entrée au ciel est hypothéquée. Donc, on pense qu'ils ne sont pas préservés de tout mal. Déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est lui-même révélé comme étant le seul capable de sauver son peuple. Dieu est donc le seul capable de sauver. Comment se fait-il que la plupart de ceux qui pensent être sauvés ont encore des problèmes? Puisque Dieu, dans le livre de Psaume 37, pardon, le livre de Psaume 27, verset 1er, Dieu se présente comme le seul qui est capable de sauver son peuple. Alors, et comment il a fait pour nous sauver? Comment il a fait pour nous délivrer? Comment il a fait pour nous libérer? Parce que nous parlons de délivrance. Le salut, en principe, c'est la délivrance. Le salut, c'est faire passer en toute sécurité, faire passer quelqu'un. Parce que si tu veux sauver, il faut aussi établir un système de sécurité pour cette personne. Un système de sécurité. Les croyants ont-ils ce système de sécurité? C'est ce que nous allons découvrir, puisque nous parlons du salut. Alors, les croyants ont-ils été délivrés? Parce que nous allons commencer à ce niveau, j'ai parlé de la délivrance. La délivrance consiste donc à démolir, à détruire le péché originel, les malédictions originelles. Et ces malédictions se trouvent où? Se trouvent dans le livre de Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 15, où Dieu parle de cette inimitié qu'il va placer. Il parlait au futur. Dans ce livre, il parlait au futur, ce n'était pas encore le présent, mais ça s'est accompli en Jésus-Christ quand il dit, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. La femme ici représente l'Église, la femme ici ce sont les enfants de Dieu, et l'inimitié, c'est la descente de Jésus dans le monde. Quand tu reçois Jésus, tu deviens quelqu'un que le diable hait, quelqu'un que le diable ne veut pas voir, que le diable a juré de détruire. C'est pourquoi la Bible nous avertit en disant que le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Les démons rôdent, cherchant qui ils vont dévorer. Et ces démons qui rôdent, ils rôdent, mais ils ne sont pas en toi. Dieu était en train de révéler la puissance télépathique parce que le diable attaque les enfants de Dieu en pensée, dans les pensées. C'est dans les pensées que nous sommes attaqués. Mais c'est là, les enfants de Dieu n'ont pas vu cette pratique que ceux qui font la promotion du spiritisme dans le monde entier, parlant de la télépathie, c'est par là qu'ils parviennent à rattraper et aussi à envoûter les enfants de Dieu. Parce que la plupart des pasteurs ont prêché qu'un enfant de Dieu ne peut pas être envoûté. C'est vrai. Parce que un enfant de Dieu qui est délivré premièrement et que Dieu a fait passer en toute sécurité du monde des ténèbres. Il te ramène dans sa maison, dans son royaume. Il place un système de sécurité. Et la Bible déclare que les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Nous avons un système de sécurité très important que nous ne voyons pas et que Dieu a mis autour de nous. Mais il faut alors se poser les questions, si j'ai été délivré auparavant, si j'ai été délivré, parce que je vous ai dit que le salut, c'est la délivrance. Et quel type de délivrance? Quand on parlait de la délivrance, nos amis, nos frères, nos sœurs et tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde, comme chrétiens, comme non, ils parlent de la délivrance. Ils pensent que la délivrance, c'est parce que j'ai un démon qui m'empêche de se marier. Et là, on parle de délivrance. Je vais chercher la délivrance parce que je ne suis pas marié. On m'a dit que c'est elle qui est à l'origine de mon célibat, des divisions ou bien de la maladie. Il me faut la délivrance parce que le sorcier a réussi à m'envoûter. Il a envoûté mes affaires, il a envoûté ma vie, il a volé mon étoile. Donc, il me faut la délivrance. Il ne s'agit pas d'abord de cette délivrance. Il y a une première délivrance que nous avons besoin. Tout être humain a besoin de cette délivrance parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et nous avions pour père le diable. Lorsque nous étions païens, le diable était le père spirituel de tout enfant, de toute personne, pas enfant de Dieu, mais de toute personne née d'une femme. Et cela a commencé dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas un seul juste dans le monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu à cause de cet acte qui s'est déroulé dans le jardin d'Éden. Donc, nous devons comprendre que le salut, donc, puisque nous avons le salut, et que c'est Dieu même qui a établi le système. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, dans le sens unique du salut, ça c'est le point numéro un du salut, Christ est le chemin qui mène au Père. Donc, par Jésus, tu peux toucher Dieu, tu peux parler avec Dieu, tu peux chanter et Dieu t'écoute. Et tu peux également, je dis bien par Jésus, et tu peux faire tout ce que tu veux dans le sens positif, dans un sens positif, pas le péché, mais tu peux faire tout ce que tu veux et Dieu bénit toute action, tous les actes que tu vas poser. Il faudrait au préalable que tu sois délivré. C'est pourquoi on a parlé de délivrance, que le salut veut dire délivrance, premièrement. Est-ce que tu es donc délivré du péché, de l'inimitié qui a été plaqué, de la malédiction adamique pour que tu sois enfant de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça, c'est notre premier jour et le premier retour dans le jardin d'Éden. Parce que lorsque Adam a été chassé, il a été maudit, la terre aussi a été maudite. Donc, quand tu reçois le Seigneur et que réellement tu es délivré, c'est ton retour dans le jardin d'Éden, spirituellement. C'est un retour spirituel, c'est un retour physique aussi. Je ne suis pas encore dans le cadre physique, mais je suis dans le spirituel. Dans le spirituel, ça signifie délivré. J'ai été délivré de la colère de Dieu. Et l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, c'est Jean lui-même qui parle, c'est Jean Baptiste qui parle, c'est pas Jean l'apôtre de Jésus, mais c'est Jean Baptiste qui parle. Il dit, c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle, et c'est lui qui ne croit point, la colère de Dieu demeure sur lui. Donc cette colère depuis le jardin d'Éden, et qui demeure sur les êtres humains jusqu'à ce jour. Mais c'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. Et c'est lui qui ne croit pas, parce que dès que tu crois au Fils, il te délivre de cette colère, il te délivre de cette malédiction, et tu peux parler, il t'écoute, il descend dans ton corps, et ton corps devient son temple, une habitation de Dieu. En esprit, comme le dit la Bible, ton corps devient une habitation de Dieu en esprit. C'est ce qu'apporte donc la délivrance sur le péché originel. Voici quelque chose que tu peux commencer à se poser des questions. Est-ce que moi, j'ai été délivré alors? Je ne cherche pas la délivrance parce que j'ai été, par exemple, maudit par mon père. J'ai été peut-être maudit par quelqu'un dans la société. Ou bien j'étais envoûté par un démon, par un esprit. Non, ma première délivrance vient du fait que je suis né dans la condamnation. Je suis né dans le péché. J'ai été maudit et cette malédiction, selon Romains chapitre 5, à partir du verset 12, où elle se manifeste par la mort physique, par la mort spirituelle. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, toute l'humanité. Ici, Dieu ne parle pas de religion, s'il vous plaît. Il ne dit pas que si tu es dans telle religion, tu es bien, tu iras au ciel. Non, tous ont péché. À partir d'Adam, c'est une condamnation universelle, c'est une perdition universelle. Et c'est l'enfer pour tout l'univers, je dis pour tout l'univers. Et il faut alors un sauveur. Et Jésus, lorsque tu l'acceptes, il te sauve. Dès que tu l'acceptes, il te sauve. Alors, c'est cette façon de sauver. Un seul homme est, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Lors de la chute d'Adam, le péché a pénétré dans la race humaine comme un principe, une puissance active. Deux conséquences sont apparues. Le péché, la corruption, la sorcellerie et également ce que j'ai appelé la télépathie, dont les êtres humains utilisent leur esprit parce que leur esprit n'est pas en contact avec le Saint-Esprit, ils utilisent leur esprit pour entrer en contact avec ton esprit, te parler, te guider, te maudire et envoyer des démons, envoyer des esprits par le canal de leur esprit. Il envoie un esprit, même s'il n'est pas sorcier. La télépathie, c'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un hait son frère, il est considéré comme un meurtrier. La personne qui hait son frère est considérée comme un meurtrier par ton esprit. Même si tu n'es pas sorcier, tu peux faire du mal avec ton esprit parce que tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas purifié, tu n'es pas délivré du péché originel. Donc si tu hais quelqu'un, tu peux faire du mal à une personne, tuer une personne, même d'une manière, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie inconsciente, c'est très important de le savoir. Lorsque quelqu'un n'est pas délivré du péché originel, il est sorcier, il demeure sorcier, son esprit peut faire du mal. L'esprit humain peut faire du mal à qui que ce soit, en haïssant. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui hait son frère, c'est un meurtrier. Donc, notre esprit a besoin de cette première délivrance. L'esprit de tout être humain sur la terre a besoin de cette première délivrance qui est possible seulement par le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Par la parole de leur témoignage, par le sang de l'agneau. Parce que quand tu reçois le Seigneur, tu témoignes qu'aujourd'hui, je reçois le Seigneur Jésus parce que je reconnais que je suis né dans le péché adamique. Ce n'est pas ton péché. Je suis né dans la condamnation adamique. Je suis né dans les malédictions et même la terre. La terre a été maudite. Donc, si la terre est déjà maudite, ça veut dire que toutes les entreprises sont maudites. Ça veut dire que ton projet de mariage est maudit. Ça veut dire également que même ta santé a été maudite. Ça veut dire que tout ce que tu peux faire est maudit. Donc, toute personne qui n'est pas née de nouveau, selon le système biblique, parce que c'est un système biblique, il y en a donc beaucoup qui sont dans les églises qui ne sont pas du tout nés de nouveau, même dans les églises de réveil, parce qu'ils n'ont jamais identifié la présence de cette condamnation dans leur vie, la condamnation adamique. Avant de confesser le Seigneur, ils n'ont jamais identifié la malédiction adamique dans leur vie. Avant de confesser le Seigneur, ils n'ont jamais identifié la mort spirituelle ils sont nés étant séparés de Dieu, ce qu'on appelle la mort spirituelle. Ils sont nés étant séparés de Dieu, mais ils ont confessé le nom du Seigneur, disant je laisse mon péché personnel, j'abandonne l'alcool, l'alcoolisme, j'abandonne la cigarette, j'abandonne également le vol, le mensonge, mes péchés personnels, je les abandonne. Donc je suis né de nouveau. Jusque-là, tu n'es pas né de nouveau. C'est impensable que quelqu'un puisse croire qu'il est né de nouveau, alors que le jour qu'il avait reçu le Seigneur, il n'a jamais identifié la présence de cette condamnation universelle dans sa vie. C'est ça dont la première délivrance. Cette première délivrance est importante. Ça te ramène dans le jardin d'Éden. Et puisque ça te ramène donc dans le jardin d'Éden, comment tu vas donc vivre dans le jardin d'Éden? Si ça te ramène dans le jardin d'Éden, ça te met en sécurité. Ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser ton esprit. On ne peut plus utiliser ton esprit pour injecter, par exemple, des pensées en télépathie. Ou bien quelqu'un qui te hait, qui fait des choses pour te détruire, ne peut plus. C'est une sécurité. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que pour un enfant de Dieu, délivrance veut dire faire passer en toute sécurité. Donc ton esprit est dans une sécurité. Et ton esprit est dans une sécurité. Pourquoi? Parce que ce qui permettait aux démons et à un esprit humain de te manipuler, de te détruire, de faire tout ça, que la sorcellerie, que le sorcier te touche, il n'est plus capable parce qu'il passe par ton esprit pour faire ça. La porte centrale dans la vie d'un être humain, c'est son esprit. C'est pas l'âme. L'âme est dans le sang, logée dans le corps. C'est pourquoi quand vous mourrez, on dit qu'il a rendu l'âme. Et quand vous dormez, l'âme ne sort pas de votre corps physique. Votre âme ne sort pas de votre corps physique dans le sommeil. C'est votre esprit. Je suis en France, je viens de dormir tout de suite, mais j'ai fait des rêves. J'ai fait des rêves que je suis dans telle ou telle zone en France, je suis en train de prêcher, je suis au Cameroun, je suis en train de faire ça, ça, ça, ça, ça. Et puis, dans ces rêves-là, ça doit déterminer aussi si je suis vraiment délivré. Parce que si je vois des choses bizarres, on peut également manipuler ton esprit dans les rêves. Parce qu'ils savent que ton esprit est en contact par cette zone de tension. On appelle ça dans la vie d'un être humain la zone de tension. Dans cette zone de tension, ton esprit est en contact avec ton âme. Et c'est aussi dans cette zone de tension que le Saint-Esprit est en contact avec ton âme en passant par ton esprit. Et les démons passent par ton esprit pour entrer en contact avec ton âme dans cette zone de tension. Et notre âme est en sécurité lorsque notre esprit est en sécurité. Notre âme ne peut jamais être en sécurité si notre esprit n'est pas en sécurité. C'est pourquoi les rêves que nous faisons par le canal de notre esprit déterminent si notre âme est véritablement en sécurité. Voyons, lorsque la Bible dit ceci, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Je désire que tu prospères. Pour Dieu, il désire que nous puissions prospérer. Ça, c'est son désir, le désir d'un homme de Dieu. D'un homme de Dieu est que ses enfants puissent prospérer. Mais lorsque la Bible dit que je désire que tu prospères, ça veut dire que ça dépend de toi, ta prospérité dépend de toi. Dieu a déjà tout fait. Jésus a dit, tout est accompli. Parce qu'il a versé son sang et c'est lui qui croit à la vie éternelle. Mais ta façon de croire alors, c'est ça qui détermine si réellement ton âme a reçu la prospérité. Et c'est ce que nous allons vérifier tout à l'heure, si véritablement ton âme est dans la prospérité. Le livre de 3 Jean, l'évangile, l'épître de 3 Jean, au verset 2 dit, je désire que tu prospères, juste au verset 3, je désire que tu prospères. Et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. L'âme ne peut pas prospérer tant que son esprit reçoit des attaques télépathiques. Tant que par ton esprit, on passe par ton esprit pour toucher ton âme. Et ça sera vérifié par les rêves que tu fais. Parce que vous savez, il y a des gens qui ne rêvent pratiquement pas. Leur esprit est utilisé, télépathiquement parlant, utilisé par un sorcier. Je reviendrai là-dessus dans nos prochaines émissions. Il y a d'autres également qui font des rêves. Et qui ne se rappelle pas, il ne se rappelle pas du tout lorsqu'il se réveille, il ne se rappelle pas ce qu'il a vu, de ce qu'il a vu dans le rêve. Mais il ne comprend pas que son esprit est également manipulé dans la sorcellerie, utilisé dans la sorcellerie. Et il se réveille, il est tout simplement, il n'est pas propriétaire de son esprit en principe, il n'est pas propriétaire. C'est quelqu'un d'autre qui utilise son esprit. C'est pourquoi il ne se rappelle pas du tout de ce qu'il a vu. Donc il n'y a pas ce qu'on appelle le cordon d'argent. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, on parle du cordon d'argent qui se brise quand tu meurs. Ce cordon d'argent est utilisé, est ce lien spirituel qui existe entre ton esprit et ton âme, et entre ton âme et aussi ton corps, donc ton sang. C'est un lien spirituel. Et c'est dans ce lien précisément, plus précisément, que toute action spirituelle s'opère, toute action surnaturelle s'opère, que ce soit le Saint-Esprit, et c'est ce lien qu'on appelle la zone de tension. Alors, lorsque la zone de tension est en voie, lorsque la zone de tension reçoit les informations venant d'un esprit humain, donc ton esprit, qui est en contact avec un autre esprit. On a appris hier que la télépathie, ce sont deux esprits qui se mettent ensemble. Ils ne se mettent pas ensemble parce qu'ils veulent. Et le sorcier ne te demande pas s'il doit utiliser ton esprit, pas du tout. Il ne te demande pas s'il doit utiliser ton esprit. Il entre en contact parce qu'il a un boulevard. Il a un accès facile. Tu n'es pas délivré du péché originel. Lorsque tu n'es pas délivré du péché originel, il fait de ton esprit ce qu'il veut. Va voir n'importe quel féticheur pour blinder, soi-disant des blindages chez les féticheurs, chez les marabouts. Mais c'est de la rigolade. Tant que le péché originel est encore dans ta vie, tout démon, les démons, les esprits ont accès, esprit humain, parce qu'il y a une différence entre l'esprit humain et l'esprit qu'on appelle le démon. On peut loger l'esprit humain dans ton corps. Est-ce que tu n'as jamais entendu qu'un esprit humain parle dans la vie d'un être humain? Il dit, je m'appelle tant, je m'appelle tel et j'habite. J'habite dans le corps de cette personne pendant les délivrances, parce que moi je suis spécialiste de délivrance et j'ai fait des délivrances à des milliers de personnes dans le monde, des millions de personnes dans le monde depuis 27 ans. Et donc les esprits, parfois tu entends quand tu fais la délivrance à quelqu'un, l'esprit humain qui parle. J'habite dans le corps de cette fille, j'habite dans le corps de ce garçon depuis 10 ans, depuis 15 ans. Et bien qu'est-ce que tu fais là? Mais si tu observes la vie de cette personne, tu vas comprendre que. Et la personne elle-même ne savait pas qu'elle est habitée par un esprit humain. Il peut croire que c'est un sorcier ou bien un démon qui habite dans son corps, alors que c'est un voisin, c'est même son père, c'est même sa mère, c'est même un frère, c'est. Donc tout ce monde-là, vous voyez, c'est autour de toi. Ça peut être un copain, une copine, ça peut être un ami intime. Un ami intime, par son esprit, il habite, il gère ta vie. Et tu vois, tu peux également voir ça dans les rêves. On avait abordé ça prochainement. Ainsi donc, tu vas constater que La personne, quand on prie sur la personne, et on dit ce sont les démons qui sont manifestés. Non, il y a deux types d'esprits. Il y a l'esprit humain, il y a l'esprit qui est le démon. Donc, quelle que soit sa nature, ange dessus, c'est toujours un esprit. Le démon, c'est toujours un esprit, ainsi de suite. Mais l'esprit humain est différent. C'est pourquoi je vous ai dit que vous pouvez tuer par le canal de votre esprit si vous n'êtes pas enfant de Dieu. Et même si vous êtes enfant de Dieu, si vous haïssez quelqu'un, vous n'avez pas la semence du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit ne hait personne. Si vous avez les fruits du Saint-Esprit, mais si vous avez les fruits de la chair, vous pouvez faire du mal à quelqu'un par le canal de votre esprit alors que vous n'êtes pas sorcier. Et ainsi donc, lorsque la télépathie a été présentée à l'humanité dans les écoles ésotériques, ils ont dit tout simplement que c'est une science. Mais ça n'a jamais été une science. C'est de la sorcellerie. Mais les gens ne le savent pas et ils le font d'une manière consciente, je dis bien consciente. Lorsque vous êtes assis avec un sorcier et le sorcier sort de son corps, il entre dans ton corps. C'est la télépathie, mais les gens ne le savent pas du tout. Vous pouvez assister à une réunion familiale, vous, chrétien né de nouveau, vous assistez à une réunion familiale, alors que la Bible précise que nous ne devons pas prendre part à ce genre de manifestation. Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Tu vas prendre part à une réunion familiale, parce que c'est la famille sentimentalement parlant. Ou bien quelqu'un qui est mort dans la famille, les rites de funérailles, tu peux assister au deuil tout simplement. Après l'enterrement, tu rentres. On n'a pas besoin de continuer à poser des actes comme des rites de funérailles traditionnels, mariage traditionnel, on va casser les colas, on va gorger un animal, on verse le sang sur toi, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est par télépathie qu'ils parviennent à convaincre les gens que c'est bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils vous attaquent, ils vous maintiennent prisonniers par télépathie. C'est pourquoi quand vous priez pour quelqu'un qui doit se convertir, on doit d'abord détruire ce pas de tir qu'on appelle télépathie. C'est un pas de tir, donc c'est un autel. Le pas de tir ici, on appelle ça généralement, c'est un autel. Et c'est également un départ. Et ceci est très important parce que si vous ne parvenez pas à détruire ce qu'ils utilisent pour pouvoir envoyer des esprits, ils vont continuer à envoyer des esprits chez toi. Et le combat spirituel, l'école de délivrance que je suis en train d'ouvrir, je vous demande d'entrer, de vous inscrire ou de venir à la retraite. Ceux qui sont en erreur, vous venez à la retraite parce que tout ce que je suis en train de dire, nous, on le fait pendant les moments de retraite. Vous pouvez également vous inscrire à distance sur le numéro qui s'affiche au-dessus de cette vidéo, le 0033 6 43 98 92, 92 20, 24. Vous vous inscrivez, vous envoyez un message, je veux m'inscrire, je veux des renseignements. Parce qu'on vous envoie d'abord les renseignements. Qu'est-ce que vous devez faire pour s'inscrire? Cela, c'est une école de délivrance. Parce qu'il y a des gens qui parlent de délivrance, qui parlent du combat spirituel, qui ne parviennent même pas à enseigner bibliquement comment ça peut commencer. Et la délivrance commence à ce niveau-là. Avant de toucher le reste, ça commence à ce niveau-là sur le péché originel. Je vous ai dit que Christ étant dans le chemin, sur le deuxième point, les deux côtés du salut, l'homme est sauvé par grâce, par la foi en Christ, selon le livre d'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 8, verset 9, vous êtes sauvé par la grâce au moyen de la foi. Et si Dieu t'a choisi? Vous savez qu'il y a des milliards de satanistes, des illuminatistes, Dieu ne les a jamais choisis. Moi, Dieu m'a choisi, c'est une grâce, et pas parce que je suis quelque chose, mais Dieu m'a choisi, c'est la grâce. Tu es sauvé par la grâce. Et quand tu es déjà sauvé, tu as la possibilité, parce que ton esprit est libéré, tu as la possibilité d'écouter la parole de Dieu, de lire la Bible et d'être se faire enseigner. Parce que quand tu es déjà sauvé, il faut que tu sois enseigné. Mais télépathiquement, on peut être découragé de recevoir l'enseignement. Vous voyez, beaucoup de personnes dites nées de nouveau ne parviennent pas à s'asseoir pour être enseignées. Ils sont manipulés du côté télépathie par des esprits. Et ces esprits-là, c'est vos voisins, ce sont vos voisins, ce sont vos parents qui vous persécutent, qui ne veulent pas que vous puissiez persévérer. Ils vont vous empêcher de persévérer. C'est pourquoi on a toujours ce qu'on appelle la persécution dans la famille, la persécution en général dans le monde, parce que Satan ne veut pas à tout prix que vous soyez éduqués selon la parole de Dieu, que vous puissiez recevoir la parole de Dieu. C'est très important. Donc, vous voyez, quelqu'un dit là, et le sorcier, alors non, je ne suis pas encore au niveau du sorcier, le sorcier, ça viendra. Je parle de toi-même, ton esprit qui n'est pas sanctifié, qui n'est pas lavé, c'est déjà le sorcier. Toute personne qui n'est pas née de nouveau est considérée comme sorcière aux yeux de l'Éternel parce que tu n'es pas en communion avec Dieu et tu n'es pas en communion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui descend dans ta vie? Dieu, Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Les pharisiens observaient la loi de Moïse. Ils observaient la loi de Moïse. Les 10 commandements ne font pas de vous un enfant de Dieu. Vous devenez agréable à Dieu, mais vous n'êtes pas sauvé. De tout ce que je viens de dire tout à l'heure, je veux faire entrer réellement cette étude, cette parole dans ta vie pour que tu puisses comprendre que, et c'est ça aussi qui peut nous pousser à annoncer la bonne nouvelle. Parce que là, tu comprends déjà que toute personne, ce n'est pas parce que quelqu'un parle de Jésus que tu peux considérer cette personne comme sauvée. Non, pas du tout. Il y a tout ce qui sont dans les religions. Dans les religions, là, toutes les religions chrétiennes, machin, tout ça. Si on ne parle pas de nouvelle naissance, parce que, et même là-bas, on parle de la nouvelle naissance en disant aux gens que vous êtes nés de nouveau parce que vous aviez reçu le baptême. Non, écoutez, quand vous lisez la Bible dit ceci, 1 Pierre chapitre 3, la Bible dit que le baptême ne vous lave pas, ne lave pas les souillures du corps. Quand il appelle, qu'est-ce qu'il appelle souillures du corps? Souillures du corps, ça commence dans le péché originel. Le baptême ne vous lave pas des souillures du corps. L'eau du baptême ne nous lave pas des souillures du corps. Alors, comment on peut te tromper en disant que tu es né de nouveau parce que tu as reçu le baptême étant bébé? Donc, tu n'as jamais reçu le Seigneur. Tu n'as jamais reçu Jésus comme ton sauveur personnel. Ce n'est pas l'eau que l'on baptise avec, elle-même avait été condamnée. L'eau devient propre, pure, parce que moi, je suis pur. Pur par rapport à mon appartenance au Saint-Esprit, à Dieu, en passant par le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui nous rend pur et non l'eau du monde. Si on lave ta malchance avec de l'eau, ça veut dire qu'on n'a rien fait. Mais si on lave ta malchance avec le sang de Jésus, on a lavé ton esprit. Ça veut dire que le sorcier qui utilise ton esprit dans la sorcellerie pour mettre la malchance c'est quoi? C'est une malédiction tout simplement. Partout tu arrives, tu es rejeté. Partout tu ne réussis à rien, tu tires une conclusion que j'ai la malchance. Alors pour laver cette malchance, quelqu'un te dira, viens, apporte le parfum, apporte également une chèvre, nous allons égorger la chèvre, on va laver, on va mélanger le sang de cette chèvre avec plusieurs ablutions, on va laver ton visage. Ça, c'est des conneries, ça, c'est la poubelle, une poubelle spirituelle. Ils ajoutent encore plusieurs malédictions sur toi. Ils viennent d'ajouter à toute personne qui a eu ça, ils ont mis ce qu'on appelle une antenne. Et des esprits sont spécialisés pour te conduire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 20, il dit, tout ce que vous sacrifiez, vous le sacrifiez aux démons. C'est-à-dire, quand on mélange ce sang ou bien les parfums, soi-disant laver la malchance, c'est un démon qui entre en contact avec toi. Il entre en contact avec toi et ton esprit entre dans une prison. Il y a la première prison qui est le péché originel, deuxième prison, l'acte que tu viens de poser, troisième, quatrième, cinquième, tous les actes que tu poses, et c'est comme ça que les prisons s'entassent. Ce sont les antichambres de cette prison. Et pour être donc libéré de cette prison, il faut au préalable accepter Jésus et identifier la présence du péché originel dans ta propre vie. Et tu commences donc à confesser ce que je suis en train de dénoncer aujourd'hui. Tu entres dans une sécurité. Dans cette sécurité, c'est ton retour dans le jardin d'Éden. Parce que quand Adam est entré dans le jardin d'Éden, quand il a été créé, aucun animal ne pouvait le toucher. Aujourd'hui, les animaux mangent des êtres humains. Aucun démon ne pouvait le toucher. Le diable a réussi à le toucher. Pourquoi? En pensée, télépathie. En pensée, il a touché les pensées de sa femme et il a utilisé les pensées. Il a fait introduire les pensées de sa femme dans les pensées d'Adam. Parce que sa femme, le diable a utilisé les pensées de la femme et il a d'abord utilisé le serpent pour la buter. Parce que le serpent, lui, n'a pas de pensée. Et il est entré dans le corps du serpent comme il le fait. La plupart des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, ce sont des agents de Satan. Ils sont habités par les esprits. Les satanistes, tous ces satanistes sont habités par les esprits. Et quand ils te parlent, c'est un démon qui te parle. Ce sont les mêmes tactiques que le diable a utilisées dans le jardin d'Éden. Et je vous dis qu'il n'y avait pas encore le péché en ce moment-là. Mais il est quand même entré en pensée. Il ne pouvait pas entrer comme ça. Il n'avait pas le pouvoir d'entrer là pour toucher Adam, pour toucher. Quand tu reçois le sang, il n'a pas le pouvoir de te toucher. Mais il va attaquer tes pensées. Il va pas te penser, il va entrer, il va de nouveau récupérer. C'est pour, il va de nouveau récupérer le terrain qu'il avait perdu. Et c'est pourquoi Jésus a averti en disant, quand l'esprit est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Arrivé là-bas, il ne trouve pas de repos. Il s'est dit en lui-même, je retournerai dans ma maison. Il parle de quel esprit? Le démon. Je retournerai dans ma maison. Et c'est ton corps, ton esprit qui est sa maison. Et quand il revient, il ne revient pas seul. Il revient avec sept autres démons, plus méchants que lui. Ils s'y établissent et ta condition sera pire. Donc pour un enfant de Dieu, il peut être attaqué de cette façon. Donc en pensée d'abord. Et il obtient, il dit, la maison est ornée et balayée. La maison est ornée et balayée. C'est en pensée. Les ornements dans ton esprit, ce sont des pensées. Pensée de meurtre, pensée de ceci, pensée impudique, pensée de convoitise, pensée de cela. Ce sont des ornements dans notre esprit. Mais là, tu n'es pas encore possédé. Mais le diable va utiliser ça pour aiguiser ton appétit, comme il a fait avec Adam et Ève, avec Ève surtout. Lorsqu'il a posé la question à Ève, et Ève a répondu, ce dialogue a entraîné l'humanité dans cette perdition, dans cette domination que nous avons aujourd'hui. Cela est très important de le savoir. Donc, ici, tu entres dans une sécurité. La sécurité commence en pensée. Et ce qu'on appelle la foi, ce qu'on appelle la foi, si tu as la foi, tu ne laisseras pas tes pensées vadrouiller comme ça. La foi est une ferme assurance. Donc, tu fermes la porte aux mauvaises pensées. Tu fermes la porte aux doutes. Les doutes que nous avons, on nous attaque, on détruit nos pensées par les doutes. Le diable le sait, les sorciers le savent également. Et c'est pourquoi ils passent par des calomnies, Ils commencent par calomnier, par exemple, les serviteurs de Dieu, afin de semer le doute sur tout le peuple, sur tous ceux qui peuvent t'écouter. Ça veut dire que ces gens ne pourront jamais avoir la foi sur ce que tu dis. Parce que quand tu parles de Jésus, et que Jésus maintenant, et sachant que le diable sait que Jésus sauve, que Jésus guérit, que Jésus délivre, mais quelle est la campagne de calomnie qui est menée contre Jésus? Ce n'est pas contre moi, ils sont pas. C'est contre Jésus. Quand je viens, je vous dis que Jésus guérit. Mais la science te dira que Jésus ne guérit pas. Ce qui guérit, ce sont les remèdes que nous mettons sur vous. C'est ce que dit la science. Quand je viens, je vous dis que Dieu a créé l'humanité. Et la science vous dit que Dieu n'existe pas qu'au commencer et qu'on a évolué et que c'est par la suite, par une explosion que le monde est né, que le monde est apparu, et puis on évolue, ainsi de suite. Et les gens croient à ça. C'est une façon de détruire la foi, de détruire la foi. Mais lorsque tu as une ferme, c'est cette sécurité. Qu'est-ce que Dieu appelle faire passer en toute sécurité? C'est la foi. Faire passer la délivrance. Et pour maintenir votre délivrance, il faut également la foi. Donc cette foi, si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas garder votre délivrance pour commencer. Vous serez toujours attaqué en pensée. La Bible déclare que, voici, Hébreux chapitre 11, verset 6, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche, qui s'approche de Dieu. Je m'approche de Dieu par le canal de la nouvelle naissance. Je ne m'approche pas de Dieu en marchant à pied, mais par le canal de la nouvelle naissance. Et je m'approche de Dieu parce que je suis enseigné, on m'enseigne. C'est pourquoi dans les épîtres, il est dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc, c'est cette persévérance qui est très importante dans l'enseignement. Les gens aujourd'hui ne veulent plus être enseignés, ceux qui se disent chrétiens. C'est pourquoi ils n'ont pas cette sécurité. J'ai dit que le salut, c'est faire passer en toute sécurité. On te délivre, il t'a délivré la délivrance. La délivrance, c'est faire passer. Tu étais dans un état et puis Dieu t'enlève, il t'enlève dans cet état de condamnation, de misère, de célibat. De célibat, c'est ça le salut. Il te délivre en un mot, c'est la délivrance. Mais la première partie de la délivrance, c'est le péché originel. Il doit donc te délivrer également de ton célibat. Parce que par le canal de ton esprit, les sorciers de ta famille, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être un membre de ta famille qui est devenu ton mari spirituel. Par le canal de ton esprit humain, il gère tes sentiments, que tu te maries même, il commence à mettre la haine dans ton cœur contre ton mari. Parce que lui, par télépathie, il gère tes sentiments. Je dis par télépathie, il gère tes sentiments. Alors que tu es marié, mais le gars gère copieusement tes sentiments. Et aujourd'hui, il laisse un peu pour que tu aimes ton mari. Et puis demain, il ridiculise ton mari par ta propre bouche. Tu commences à insulter ton mari. Tu commences à insulter ton mari. Tu commences à insulter. Aujourd'hui, tu aimes le gars que tu rencontres. Mais après, il gère tes sentiments. Tu n'aimes plus ce gars-là. Et parfois, d'autres filles sont comme ça. Quand elles commencent à vivre avec un gars, après, c'est elle-même qui fait bagage. Il chasse le garçon. Tu ne sais pas que réellement tes pensées sont gérées ailleurs. Tes pensées sont gérées. Les garçons, c'est la même chose aussi. Tu peux commencer une activité maintenant et après tu abandonnes. Toi-même, tu abandonnes. Tout ce que tu commences, tu ne vas pas avec ce projet jusqu'au bout. À un moment donné, tu es découragé. Tu abandonnes. Mais tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui gère. Ce n'est pas un problème d'envoûtement sur tous les enfants de Dieu. Ce n'est pas un problème d'envoûtement d'abord. Mais ça devient envoûtement parce que cette histoire perdure. Cette histoire, ton comportement-là, ta façon de vivre, c'est depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans que tu vis comme ça. Tu commences, tu n'achèves pas. Tu commences, tu n'achèves pas. Ça, c'est pas d'abord un envoûtement, ça commence par une action télépathique. Et après, ça devient dont l'esprit entre. Et il utilise d'abord ton esprit et après, il entre, il s'assoit. Jésus-Christ dit, ils s'y établissent. Les 7 démons qui arrivent, ils s'y établissent et ta condition est pire. Mais l'action commence en pensée. Il s'est dit en lui-même, je retournerai dans ma maison. Comment il fait pour retourner dans ta maison? Il utilise tes pensées, donc ton esprit, et il fait venir 7 autres démons plus puissants, plus méchants que lui, et ta condition est pire. Ta condition, ton mariage, tu auras des problèmes dans ton mariage, tu auras des problèmes professionnels, tu auras des problèmes dans tes affaires, tu auras des problèmes dans tes relations. Tu auras des problèmes dans tous les domaines, de santé, les problèmes de santé. Tu auras des problèmes graves parce qu'ils sont entrés. Ils commencent donc à contrôler, à gérer ta vie, à gérer ta vie. Et c'est pourquoi quand ces démons ont fini de les chasser, on les chasse pendant la délivrance, ils sont partis, mais ils ne partent pas définitivement. Ce que les chrétiens ignorent, qu'ils ne partent pas définitivement, ils rôdent. Jésus-Christ, par la bouche de Pierre, dit, le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, à partir du verset 8, il est dit, résistez-lui avec une foi ferme. Résistez au diable avec une foi ferme. Oh, la foi, c'est dans ton esprit. Résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Mais alors, lorsque c'est en pensée qu'il commence à t'attaquer, il va te vaincre en pensée. Lorsqu'il parvient à te vaincre en pensée, c'est fini pour toi. Il te domine, il entre, il s'y établit et ta condition est pire. Partagez la vidéo. Vous savez, vous êtes aussi attaqué en pensée, c'est pourquoi vous ne partagez pas la vidéo. Et les gens sont attaqués en pensée de cette façon. Ils entrent en contact avec cette vidéo. Et comme le diable sait que tu seras réellement délivré, tu connaîtras la vérité. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et comme tu vas connaître la vérité par rapport à cette vidéo que tu suis, la foi vient de ce qu'on entend. Et tu vas zapper, tu commences même à m'insulter. Tu vois quelqu'un qui arrive, il parvient à insulter un prédicateur qui ne te demande rien, qui ne sait même pas si tu vis, il ne sait même pas si tu manges, il ne sait même pas. Lui parle, il fait son travail parce que ça, c'est sa mission. Il fait son travail, tu commences seulement à l'insulter. Si tu n'es pas attaqué en pensée, si tu n'es pas manipulé télépathiquement, tu penses que ça vient de quoi? Ça vient d'un esprit, d'un sorcier qui ne veut pas que tu m'écoutes. Le sorcier ne veut pas que tu m'écoutes parce que tu es sa nourriture. Tu es sa nourriture et comme tu es sa nourriture, il sait que si tu m'écoutes, toi, tu seras délivré. Il sait également, par exemple, on annonce un programme de retraite. Il sait que si tu viens à cette retraite, tu seras guéri, tu seras délivré. Il y a des témoignages qui sont donnés aujourd'hui, des témoignages vraiment qui sont des témoignages depuis la dernière retraite de la semaine passée. Les gens nous appellent et donnent des témoignages. Voici des témoignages concrets. J'avais un problème de papier, de nationalité. J'ai déposé des dossiers. Jusque-là, pendant des années, ça a été rejeté. Mais depuis que la retraite, dès que la retraite terminée, j'ai assisté à la retraite. Dès que je suis rentré, on m'appelle que voici tes passeports, viens faire ton passeport, tout ça, tout ça. Ça, c'est ici en France. Les gens qui sont venus ici assister à la retraite, qui avaient tout ce problème. Pourquoi? Parce qu'ils étaient prisonniers d'une puissance qui a commencé à se manifester dans leur vie. depuis leur enfance, depuis le ventre de leur maman, d'abord le péché originel, et puis d'autres alliances qu'on appelle les alliances de sang, la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Cet héritage qui passe par le sang commence dans l'esprit. La vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. C'est très important. Alors, lorsque nous revenons donc dans la troisième étape au niveau du salut, c'est quoi? Nous avons tout d'abord étape du salut qui renvoie au passé. Celle-ci comprend l'expérience personnelle au cours de laquelle le croyant reçoit le pardon de ses péchés et la régénération. Le pardon de ses péchés et la régénération. Dieu t'a pardonné, il te ramène dans le jardin d'Éden. Alors, comme Dieu te pardonne, te ramène dans le jardin d'Éden, tu as un corps physique, un corps physique. Et ce corps physique a besoin d'être nourri. Parce que j'ai touché le spirituel, l'esprit. Maintenant, l'esprit habite dans un corps. L'esprit habite dans ton âme. C'est deux parties spirituelles de ton corps. Et les deux habitent dans le corps. L'âme est dans le sang. Et votre esprit est en contact avec votre âme par le cordon d'argent. Et c'est là, l'esprit nourrit l'âme spirituellement. Ton esprit nourrit l'âme spirituellement. Et ton âme est nourrie physiquement par ton corps. Physiquement par ton corps. C'est pourquoi la Bible déclare que l'âme est dans le sang. Alors, si l'âme est dans le sang, tu nourris ton âme avec quoi? Avec quel type d'aliment? C'est ça le grand problème et le grand virage des enseignements que je donne, que je vais commencer à donner pour ceux qui doivent s'inscrire. Parce que je suis d'abord nutrithérapeute, c'est-à-dire j'enseigne l'art de manger, la science des aliments. Est-ce que vous savez que ces aliments peuvent. Il y a un pouvoir thérapeutique dans les aliments, un pouvoir qui guérit. Les aliments ne sont pas là pour remplir notre panse. Les gens pensent que les aliments sont là tout simplement pour remplir notre panse et pour nous amener à vivre. Oui, c'est pour nous amener à vivre, mais Dieu a créé les aliments et tous les arbres et les herbes qui étaient dans le jardin d'Éden pour que ça soigne le corps de Monsieur Adam qui n'était pas appelé à mourir à l'époque. Ça devait le soigner parce qu'il n'avait plus un problème d'esprit. Et il n'avait plus un problème d'esprit, mais c'était un esprit humain qui était sur lui que le démon pouvait exploiter. Adam devait vivre dans la foi. La foi veut dire mettre la parole de Dieu en pratique. Tu crois que c'est Dieu qui a parlé et je ne peux pas faire le contraire. Mais ce que Adam n'a pas fait, Dieu parle par sa parole et parle, poussé donc par les démons, poussé par les pouvoirs télépathiques. Ça nous amène à faire plutôt le contraire. À chaque fois que tu fais le contraire de ce que la Bible te demande de faire, c'est que tu es victime d'une manipulation passant par la télépathie et c'est la sorcellerie. Je répète. À chaque fois que tu poses un acte qui ne vient pas de Dieu, ça veut dire que contraire à la parole de Dieu, à l'enseignement biblique, ça veut dire que tu es manipulé, ton esprit est manipulé par un esprit, par un sorcier, par un autre esprit humain qui veut que tu ailles directement en enfer, que tu sois rejeté par Dieu. C'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Il voulait que Monsieur Adam et sa femme et toutes les générations qui vont passer, qui vont naître par le canal d'Adam, qu'ils aillent en enfer. Il avait tout préparé. Et il a réussi parce qu'il a séduit Adam. C'est ce qu'on appelle la séduction. La séduction est un pouvoir télépathique. Si tu es séduit par une femme, sachant qu'on parle, par exemple, de la fornication, et tu es enfant de Dieu, et tu vis dans la fornication, avec un homme qui n'est pas ton mari, avec une femme qui n'est pas ta femme, ça veut dire que c'est un pouvoir thérapeutique, pardon, télépathique. Un pouvoir télépathique. C'est pourquoi beaucoup de personnes sont donc incapables de pouvoir laisser un péché parce qu'il y a ce qu'on appelle le sucre du péché. Et le sucre du péché, c'est quoi? C'est un pouvoir télépathique dont le sorcier met le sucre sur les actions que tu poses, le vol, tu commences à voler, le sucre c'est quoi? C'est cette convoitise. Il te montre que réellement, si tu as beaucoup d'argent, il te faut beaucoup d'argent. Si tu as beaucoup d'argent, tu vas acheter des habits, il faut leur voler, il faut vivre dans la corruption, il faut. Tu es manipulé, c'est un pouvoir télépathique, pardon, télépathique, dont les sorciers, jusqu'à ce que quand le diable veut te tuer, il te donne un faux courage, va voler. Tu prends un pistolet, tu sais que dans cette banque, la banque est bien gardée, mais tu prends ton petit pistolet là, tu entres pour braquer les gens. Mais c'est là qu'on viendra te tuer. Parce que le temps est arrivé que le diable te récupère. Il te donne un faux courage. Mais il aiguise ton esprit. Il met un appétit féroce sur l'argent. Quand tu vas braquer, tu auras 30 millions de dollars. Tu auras ceci. Il met ça dans ton esprit. C'est ce qu'il fait également avec les femmes et autres. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Maintenant, pour nourrir notre corps, qu'est-ce que Dieu a donné à l'homme? C'est cette science-là. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de salir leur esprit avec les aliments pollués qu'ils consomment. Ils sont en train de salir leur esprit, leur âme, poussés par un pouvoir télépathique. C'est pourquoi il a mis le diable, les démons, les sorciers, mais réellement un accent particulier dans de faux enseignements concernant la nutrition, ce que tu manges. Il passe d'abord par la coutume. Dans la coutume, il a amené ce qu'on appelle la pauvreté. Tu n'as pas assez d'argent pour pouvoir t'alimenter correctement. Parce que pour s'alimenter correctement aujourd'hui, il faut beaucoup d'argent. C'est ce que les gens pensent, mais c'est faux. Je vais vous le prouver que c'est faux. Pour s'alimenter correctement, les gens disent qu'il faut beaucoup d'argent. Pour manger bio, je ne fais pas la promotion du bio, mais le bio, c'est ce qui est naturel. Le bio, c'est ce que Dieu a créé dans le. Ce que la science appelle bio aujourd'hui, parce que nous vivons dans un monde pollué où l'atmosphère est polluée avec tout ce que les gens ont lancé au-dessus de notre tête comme satellite pour pouvoir gérer le monde. Pour pouvoir gérer le monde. Mais Dieu a créé les arbres pour filtrer l'air que nous respirons. C'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Dieu a créé les arbres, mais par un pouvoir télépathique, les sorciers amènent les êtres humains à détruire la faune en coupant ces arbres, en aiguisant leur appétit parce qu'il leur faut beaucoup d'argent. Ils vont couper tous les arbres pour vendre les troncs d'arbres, faire des planches, faire ceci, fabriquer des meubles. Alors on détruit toute la faune. Et c'est ainsi que la sécheresse commence donc à détruire. La sécheresse, c'est quoi? C'est une malédiction. Et cette malédiction provient de notre convoitise, parce que nous sommes en train de détruire toute la faune à cause de cette convoitise. Non seulement couper les arbres, nous coupons également, nous détruisons ceux qui pratiquent l'agriculture intensive. C'est-à-dire, ils ont beaucoup d'argent, ils dévastent des forêts, des hectares, milliers d'hectares de forêts. Mais qui fait ça? Dans leur pensée, ils pensent qu'ils sont naturels. Non, c'est par télépathie. Parce qu'il y a un programme dans ce monde où Satan a une envie folle de détruire l'homme. De détruire l'homme en passant par la nourriture. De détruire l'homme en passant par l'air que tu respires. De détruire l'homme en passant par les habits que tu portes. Est-ce que tu sais que les habits que tu portes sont fabriqués avec des produits dérivés du pétrole. Et ces produits dérivés du pétrole sont hautement toxiques pour ton corps, pour ton sang. Et lorsque tu portes ça colle sur ta peau. Et quand tu transpires, ces dérivés, ces produits chimiques pénètrent doucement. Doucement, hein, ça prend des années. Ça prend des années. Après, tu commences à développer des maladies cardiovasculaires qui donnent la sagesse à ce genre de faire ça. Cette sale sagesse, c'est le diable en passant par télépathie. C'est donc la sorcellerie. C'est ce que j'ai appelé dans mon livre témoignage. Je vais analyser ça. Je reviendrai là-dessus. Et vous allez voir que dans le monde de l'industrie, tous ceux qui travaillent dans le monde de l'industrie des habits utilisent les produits dérivés du pétrole pour fabriquer les tissus. Maintenant, les produits synthétiques, et on porte ça sur le corps. Et n'en parlons plus pour l'Afrique qui va en Chine. Qui va en Chine, et j'ai observé, même ici, les États essayent peut-être de limiter. Mais au niveau de l'Afrique, à cause de ce pouvoir de sorcellerie, la convoitise, on amène tout. Il n'y a personne qui contrôle la qualité des produits qui descendent dans notre pays, dans nos pays. Il n'y a personne qui contrôle à cause de la corruption. Et c'est en pensée. Donc, ils sont victimes de la. Il y a des gens, une femme qui me dit au Bénin que moi, quand je prie, j'importe les 10 conteneurs. Quand je prie ma Vierge Marie, et la Vierge Marie, je dis, il ne faut pas que je paye la douane. Je dois payer la douane tel montant. Il dit, docteur Eshamba, quand j'arrive à la douane, je paye le même montant. Vous savez, c'est un pouvoir télépathique qu'elle utilise. Vierge Marie, est-ce que Dieu a dit qu'il faut prier au nom de Vierge Marie? Jésus-Christ dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, croyez que vous l'avez reçu. Elle n'a pas dit qu'elle demande au nom de Jésus. Parce que tu ne peux pas. Dieu dit de payer les taxes. Et toi, tu dis, moi, j'ai demandé à la Vierge Marie de ne pas payer les taxes. et que je dois sortir mes conteneurs sans payer les taxes convenablement selon ce que l'État veut. Alors, ça veut dire quoi? C'est un pouvoir télépathique qu'elle utilise dans la tête des douaniers, dans la tête des inspecteurs de douane qui signent les papiers sans s'en rendre compte. Et les conteneurs vont sortir, tout le monde est ébloui, tout le monde est hypnotisé. Quand on dit qu'on a hypnotisé quelqu'un, c'est un pouvoir télépathique également. On peut hypnotiser toi-même ton mari, on peut hypnotiser ta femme, on peut hypnotiser le sujet que j'ai abordé hier sur ce musicien congolais qui aurait déjà couché avec plusieurs filles. Plusieurs filles. Et ces filles-là ne parviennent, ne s'en rendent pas compte que, voilà, oui, vous voyez, il y a ceci. Il y a... Non, non, non. Il faut faire attention. Les filles acceptent rapidement. Ce n'est pas une fille même. La dernière victime, c'est une femme mariée. Elle n'a même pas essayé de regarder. J'ai appris que ce monsieur, quand il couche avec toi, il filme, il fait des vidéos, il met balance sur Facebook. Pourtant, je suis mariée. Et elle est partie, téléguidée, hypnotisée. Téléguidée. Quand on dit on a téléguidé, tu parles étant téléguidé. C'est la télépathie, messieurs, mesdames, qui m'écoutent aujourd'hui. C'est très important de. C'est pourquoi j'ai pris la décision d'enseigner sur ça à base de la parole de Dieu. Parce que quand nous lisons la Bible, et le diable utilise des mots qui ne sont pas dans la Bible, et pourquoi les pasteurs ayant le Saint-Esprit ne parviennent pas à faire la jonction, à découvrir, à avoir de la révélation sur tout ça? Non, mais on peut tout simplement, oui, la Bible dit ceci, mais essayez, parce que Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ce sont les temps qui changent. Mais lui, il est le maître du temps. Et quand tu es dans le temps de Dieu, même si on parle d'Internet, tu verras réellement qui est derrière Internet. Tu verras réellement qui est derrière Facebook, parce que tu as le Saint-Esprit. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas t'engager là-dedans. Quand quelqu'un vient te parler, il te dit des choses, tu comprends déjà que le monde est dangereux. Le monde est dangereux par rapport à tout ce que je suis en train de dire. Vous voyez donc, on coupe les arbres, on détruit la faune. C'est par télépathie que tout cela arrive. On détruit toute l'humanité. On parle du réchauffement de la planète aujourd'hui. Le réchauffement de la planète aujourd'hui, c'est par télépathie qu'il gère les gens, que le diable gère les gens, que les démons gèrent les gens, les sorciers. Ce sont les agents des Illuminati, ce qu'on appelle ceux qui gèrent l'économie du monde, ceux qui gèrent les finances du monde, ceux qui gèrent la politique dans le monde, ceux qui gèrent l'alimentation, ce que vous mangez là. Ce que Daniel a appelé les mets du roi, c'est cette nourriture souillée là, ce que vous mangez, Daniel a refusé de manger ça. Et parce que Daniel savait que quand tu manges ça, tu es souillé aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu. Et Daniel a accepter manger que les herbes, donc les herbes, boire de l'eau, manger les fruits. Et la Bible déclare que Daniel, au bout d'un certain temps, 10 jours après, il y avait une bonne mine plus que ceux qui mangeaient. Ce que j'ai appelé notre retour dans le jardin d'Éden. Cet enseignement, si vous vous inscrivez, vous allez voir que vous serez au niveau de la santé physique parce que on va vous enseigner ce que vous devez manger, comment vous devez manger. On va vous enseigner également comment vous devez être délivré si vous avez des problèmes dans tel ou tel domaine. Parce que ce ne sont pas les mêmes esprits. Il y a des esprits dominateurs que je ne peux pas donner ici. Les esprits dominateurs, qu'on appelle dominateurs. Il y a un esprit qui gère le mariage. Et puis, il y a un esprit qui gère le mariage, qui passe toujours par télépathie. Il gère le mariage avec un autre esprit parce que le démon n'est pas omniprésent. Comme le Saint-Esprit. Le démon fait appel à un autre démon. Par exemple, le démon qui gère le mariage, quand on dit mariage, il y a plusieurs aspects dans le mariage, plusieurs domaines dans le mariage. On parle des sentiments. Mais ce n'est pas le même démon qui empêche ton mari de te donner l'argent. Ce n'est pas le même démon aussi qui va empêcher ton mari de coucher avec toi. Ce n'est pas le même démon. Et c'est pourquoi il faut avoir la connaissance. Comment il fonctionne avant de prier? Avant, par exemple, d'entrer dans le combat spirituel, il faut avoir la connaissance, toutes ces techniques-là. Et si vous n'avez pas cette connaissance, ce que Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 1, verset 5, où il faut ajouter à la foi, la connaissance, la science. Si vous n'ajoutez pas à votre foi cette science, au niveau des aliments d'abord, qu'est-ce que je dois manger? Qu'est-ce que Adam mangeait quand il n'avait pas encore péché? La Bible déclare, Genèse chapitre 1, verset 29, qu'il mangeait ça, il mangeait ça. Et puis, quand tu vas lire ça, tu vas dire, oui, il a dit, la Bible dit de manger des fruits. Mais il y a des gens qui ont étudié l'alimentation. En étudiant l'alimentation, on comprend que si je mange, par exemple, la papaye, je ne dois plus manger les produits acide, par exemple les oranges, parce que l'orange c'est un produit, un fruit mi-acide. Et si je mange un produit, un fruit sucré, je ne dois plus manger, pardon, si je bois ce qui est sucré, un jus sucré, donc je ne dois plus boire un jus mi-acide ou bien acide, parce que ça va fabriquer un poison dans mon organisme et ça va commencer à détruire les cellules dans mon organisme et les cellules ne vont plus jouer le rôle que Dieu leur avait assigné. Et en ce moment-là, pendant plusieurs années plus tard, je dois tomber malade forcément. Ce n'est pas parce que je n'ai pas mangé bio. J'ai quand même mangé un fruit qui n'a pas été, par exemple, qui n'a pas été, qui est bio. Le fruit est bio, mais la composition, la combinaison est mauvaise, puisqu'on n'a jamais enseigné et on doit vous enseigner ça, cette combinaison. Et si vous n'êtes pas inscrit, on ne peut pas vous enseigner la combinaison. Ben, je ne peux pas me mettre ici parce que moi, ça m'a coûté cher. Ça me coûte cher. J'étudie tous les jours. Je vais dans les écoles. J'ai commencé aux États-Unis. Aujourd'hui, je suis en France et je suis en train d'étudier avec les scientifiques. Et c'est vrai, c'est une réalité. Même la Bible dit, même quand on lit la Bible, on ne comprend pas certaines choses. Il y a certaines choses que la Bible nous interdit de manger et vous ne savez pas pourquoi la Bible nous interdit de manger. Ça, c'est du côté spirituel. Mais du côté scientifique, physique, tu fais une mauvaise association. Par exemple, quelqu'un qui mange les arachides, tu auras une indécision. Tu fais un mauvais mélange, tu auras l'indigestion. L'indigestion, c'est quoi? C'est parce que tu as fait un mauvais mélange. Et ce n'est pas seulement l'indigestion. Ça peut toucher ton cerveau, ça peut même te tuer. Ça peut même te tuer et ça rend beaucoup de chrétiens malades. Ils disent que oui, vous savez, la Bible dit tout est sanctifié par la prière. Bon, essaie de mélanger cette nourriture. Si tu n'auras pas une indigestion parce que tu as prié, tu auras réellement une indigestion. C'est là où, par ce que j'ai appelé télépathie, les sorciers parviennent donc à manipuler les enfants de Dieu en pensée. Ils mangent de n'importe quoi, après ils tombent malades et parfois ils meurent. Et c'est pourquoi, dans cette école de délivrance intégrale, j'appelle ça délivrance intégrale, notre retour dans le jardin d'Éden, on doit enseigner l'alimentation et également qu'est-ce que nous pouvons manger pour que notre corps puisse expulser toute la saleté. La saleté que le corps, parce que c'est une machine, comme le moteur d'un véhicule, au fur et à mesure qu'il tourne, il y a usure. Il faut enlever l'huile, il faut purger à tout moment. Alors, si on ne purge pas le moteur d'un véhicule, après un an, le moteur va couler. Il va couler. Et si vous mettez, par exemple, un carburant qui n'est pas adapté, après un an, pas même un an, le même jour, le moteur va couler. C'est comme ça que les chrétiens sont attaqués par télépathie. Ils mangent n'importe quoi. Et même les prédicateurs, ne connaissant rien sur ce que je suis en train d'enseigner, les gars viennent te dire, mais tout est. Il faut. J'ai rencontré un grand homme de Dieu en Afrique et sa femme qui viennent de mourir. Paix à leur âme. Ils ne sont pas morts vieux. Vraiment, j'étais choqué. Et je me suis rappelé le jour que je les ai rencontrés, on était en train de manger sur leur table au Congo démocratique. Et j'ai regardé la nourriture qui était sur la table. J'ai dit, papa, tu sais, ce que vous êtes en train de manger là, on a prié, n'est-ce pas? Mais la prière ne peut pas enlever toute la pollution chimique qui est dans cette nourriture. Nous allons manger. La prière enlève ce que le démon a déposé. Si un sorcier a envoûté ta nourriture, c'est ce que la prière peut enlever. Mais la prière ne va pas enlever, ne va pas donner la qualité à la nourriture que tu manges. C'est comme quelqu'un prend le poison, il boit, il sait que c'est le poison, et puis il dit la prière va enlever. Si tu sais que c'est le poison, on t'empoisonne, tu vas mourir. C'est quand tu ne sais pas que c'est le poison, on met le poison dans ma nourriture. Et si je ne sais pas que c'est le poison, je ne peux pas mourir. Mais si j'avais déjà été averti et que je sais que c'est le poison, ce que tu manges, tu sais que ça a été cultivé avec des produits chimiques. Et la science avertit que ces produits chimiques détruisent le corps. Monsieur, madame, parce qu'il est enfant de Dieu, il est rempli du Saint-Esprit. Et il va manger, il va prendre ça, il achète, il mange. Les boissons gazeuses remplies de produits chimiques, fabriquées avec des produits chimiques et le colorant qui est dedans, qui te donne l'impression que tu bois le jus d'orange, alors que ce n'est pas le jus d'orange, c'est tout simplement tu as l'impression parce que tu vois la couleur. d'un jus d'orange, mais ce n'est pas une couleur naturelle. C'est le colorant chimique qu'on a utilisé pour te tromper. C'est ce qu'on appelle une attaque télépathique. Et tu bois ça et tu ne peux plus se séparer de ça. Tu vois un chrétien comment quand il boit des boissons gazeuses, il fait wow, et le ventre est gros. Des attaques de sorcellerie, donc vous êtes réellement embobiné dans une sorcellerie. Une sorcellerie qui passe directement par télépathie dans tes pensées. Et pour se débarrasser de ça, il faut une délivrance. Il faut d'abord une délivrance et il faut une éducation, rééducation. Parce que tu as déjà été éduqué, ton esprit avait déjà enregistré ça depuis ta naissance. Tu as trouvé ton père manger ainsi. C'est ce que la Bible a appelé la vaine manière de vivre que nous avions hérité de notre père. La vaine manière de vivre que nous avions hérité de notre père. Ceux qui vont s'inscrire dans cette école à distance, d'abord, avec votre numéro, le numéro qui s'affiche 0033 6 43 98 92 24, c'est le numéro WhatsApp. Tu dis, je veux m'inscrire. Et puis, on t'envoie des vidéos par WhatsApp. Par WhatsApp, ça ne sert à plus. Mais si quelqu'un publie ça en direct, moi, je te porte plainte parce que c'est des enseignements qui sont protégés. Qui sont protégés. Tu ne dois pas publier ça. On t'envoie, tu ne publies pas. Tu publies, on te porte plainte. Tu vas me payer des millions. Des millions parce que j'ai dépensé aussi beaucoup d'argent pour mon éducation. Pour ces enseignements, ce n'est pas la parole de Dieu. Parce que vous avez l'habitude de dire, oui, la parole de Dieu est gratuite, mais ça, moi, je ne l'ai pas reçu. Vous savez, seulement en Suisse, allez sur Google, vous voulez étudier la nutrithérapie en Suisse, vous devez payer 41 000 euros. 41 000 francs suisses, ce qui donne environ 40 000 euros en plusieurs années. Vous devez payer cet argent-là. Rien que la naturopathie. Rien que la naturopathie et naturopathe, c'est des gens. Donc, allez en Suisse, là. Ici, en France, combien vous devez payer? Donc, faites très attention, parce que quand je parle de ça, ou bien de la nutrithérapie, parce que c'est deux études différentes. Et moi, je suis en train d'étudier encore. Et j'ai déjà fait plusieurs pays pour étudier. J'étudie comment le corps fonctionne, comme dans la médecine, et j'étudie également le pouvoir thérapeutique des aliments et aussi la nature, pourquoi notre nature. Et comme je suis enfant de Dieu, homme de Dieu, et j'ai des révélations qui prouvent que par un pouvoir télépathique, tu aimes certaines choses qui vont détruire ta vie, qui vont détruire ta vie sans le savoir. Et pour que tu aies ces enseignements techniques venant des aliments que tu dois manger et comment tu dois gérer ta famille, la gestion de la famille, comment tu peux prendre ta femme et par télépathie également, le diable parvient à détruire les foyers par le comportement de l'homme. Vous aurez des enseignements parfaits. Vous aurez par le comportement de la femme. La femme aura, tu vas voir que le comportement de ta femme va changer si elle s'inscrit. Le comportement de ton mari va changer. Si, même si ton mari ne s'inscrit pas, si toi tu t'inscris, parce que la Bible dit à envoyer. Lorsque ton mari va te voir, ta façon de vivre chaste, et ça va l'amener à réfléchir. Et il va suivre ton Dieu. Et c'est comme ça que ton mari va commencer à t'aimer. Ta façon de vivre. Parce qu'on va t'enseigner tout ça. Il y a une femme qui est venue à la retraite l'autre jour. Quand elle m'a écouté, elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer et dit, j'ai fait du mal à mon mari. Devant tout le monde, les gens qui étaient à la retraite, doivent se rappeler, je vois ma fille à Benguanvelo qui était à la retraite. Là, tu sois béni, que tu sois encore béni. Ceux qui étaient à la retraite ont suivi ce témoignage. Elle s'est levée, elle a dit, j'ai fait du mal à moi, j'ai fait du mal aux hommes. Je n'ai jamais respecté les hommes qui vivaient avec moi. J'ai fait du mal aux hommes. Et aujourd'hui, je me rends compte que ce que je suis en train de subir, c'est moi-même. C'est moi-même. C'est devant tout le monde. Devant tout le monde. Et alors, si ta femme vient, elle va reconnaître. Si ton mari vient, encourage ton mari à venir à la retraite. Encourage ou bien à s'inscrire. Elle ne peut pas venir à la retraite. Il vit loin, peut-être aux États-Unis. Il peut s'inscrire dans cette école de délivrance corps, âme et esprit. Alors, quand tu t'inscris dans cette école de délivrance corps, âme et esprit, ton corps doit être délivré. Juste même, on va t'enseigner au niveau de l'environnement. Comment tu dois vivre les activités sportives, le sport médical, on va t'enseigner ça. Le problème de famille, guide familial, comment tu dois, les aspects positifs On va te parler de la ménopause, comment tu vas gérer ta ménopause. On va te parler même de la sexualité de la femme. On va te parler de la sexualité de l'homme. On va te parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses également que toi, tu ne maîtrisais pas auparavant. On va te parler aussi de ton sexe, comment tu dois l'entretenir, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, comment tu dois l'entretenir pour que tu ne puisses pas être attaqué par des maladies, des tumeurs, des kystes, toutes les maladies qui attaquent les femmes et les hommes. Et aussi, on va enseigner comment tu peux également avoir, parce qu'on m'enseigne ça, comment tu peux aller avec ta femme. Regardez un peu. Qu'est-ce qu'on enseigne là? Ça, ce sont mes livres, des études. Comment tu peux aller avec ta femme? C'est normal. Comment tu peux utiliser, avoir des rapports avec sa femme? Ici, est-ce que tu as vu là comment on s'use le sexe? Mais il y a des hommes qui ne savent même pas. Leurs femmes ont été blessées. Des chrétiens de nouveau, on ne leur enseigne pas ça. Et les pasteurs disent que non, ça c'est l'impudicité. Qui tu prêches sur ça, tu enseignes sur ça, c'est l'impudicité. Quelle impudicité? Donc quand Dieu a créé le sexe à l'homme, ou bien à la femme, entre l'homme et la femme qui sont mariés légalement. Et si on vous enseigne, ça veut dire que c'est l'impudicité, c'est toi, pasteur, qui dois enseigner. Mais comme toi-même, tu ne connais pas, entre toi et ta femme, ça ne marche pas aussi. Les hommes de Dieu aujourd'hui ne parviennent pas à satisfaire leurs femmes. Et c'est pourquoi les femmes vont coucher avec les hommes d'or. Et les femmes également, les femmes ne parviennent pas, les femmes des pasteurs ne parviennent pas à satisfaire leurs maris. Et leurs maris sont obligés d'aller également à suivre les filles dehors. Parce que c'est naturel, c'est tout à fait naturel. C'est l'homme de Dieu qui doit être éduqué et transmettre cette éducation physique et l'éducation spirituelle. Il y a les femmes qui se marient, avant de se marier, on ne l'avait jamais enseigné comment elle peut prendre son mari au lit ou bien les problèmes de nourriture, comment elle peut préparer, comment elle peut accueillir son mari. Elle ne connaît rien de ça, mais elle cherche le mariage, elle va demander les prières chez les prophètes. « Oh, prophète, prie pour moi pour que je me marie. » Mais le mariage, c'est pas seulement parce que tu vas te mettre à l'abri du besoin. C'est comme ça qu'on a essayé de faire comprendre aux gens que le mariage, c'est se mettre à l'abri du besoin. Quel besoin? Le besoin financier. Pour les femmes, c'est comme ça, le besoin financier. Je dois épouser un homme qui est bien matériellement, financièrement. Mais tu as des devoirs à côté de cet homme-là. Donc, le premier enseignant, c'est l'homme de Dieu. Et nous allons enseigner sur les problèmes de prostitution, la pornographie. Et si tu as été victime de ça, il faut d'abord la délivrance. Il y a aussi des esprits qui rôdent. Et si cet esprit de prostitution rôde en toi, tu vas continuer à se prostituer étant encore enfant de Dieu. Parce qu'il y a la télépathie. Si un esprit est sorti, il va continuer à utiliser tes pensées. Parce qu'il a habité dans ton corps. S'il a habité dans ton corps, il reste là, il te connaît. Par télépathie, il va te gérer. C'est pourquoi nous allons enseigner comment tu peux mettre une barrière entre cet esprit et toi. Cet esprit et toi qui habitais auparavant et qui est sorti. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, quand l'esprit impur est sorti, il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos. Il se dit, j'ai retourné dans ma maison. Il ne cherche pas une autre maison, mais il cherche la maison d'où il est parti, d'où il est sorti. Dieu n'a jamais dit qu'il ira chercher tous les démons qui étaient dans ma vie auparavant. Ces démons-là rôdent pour chercher à revenir dans ma vie. C'est moi, par l'enseignement des enseignements, qui dois mettre fin à ça. Par tous ces enseignements, dois bloquer. Donc, si tu n'es pas enseigné par un homme de Dieu qui maîtrise ces choses-là, même si tu es dans n'importe quelle église, inscris-toi à cette école. C'est très important. Parce que dans beaucoup d'écoles, on ne vous enseigne pas ça. On vous enseigne que la parole de Dieu, la paix a fait ceci, ainsi de suite. Il y a ceux qui, les maladies, par exemple, comment tu peux gérer les manifestations, tout ce que moi j'ai reçu comme information dans cette formation, dont je dois exposer cela au niveau de l'alimentation grave, ce que tu dois manger. Tu vas voir que tu me donnes d'abord la liste de toutes les maladies qui te rongent. Et puis, moi, je ferai en sorte ce qu'on appelle un test. Un test, ce n'est pas un test spirituel. Un test, dès que tu es inscrit, je te fais un test. Il y a un test spirituel que j'ai commencé à faire aux gens. Ça, c'est côté démon. Mais côté physique, on te fait un test. Dès que tu es déjà inscrit, on te fait un test. Et puis, on t'envoie un dossier. Si tu es grosse comme ça, que tu prends du poids, on te soumet à un régime. Il y a une publicité qui passe ici en France. Ils soumettent les gens à un régime. Vous savez combien les gens payent? Ils soumettent les gens à un régime. On t'envoie une liste des aliments que tu dois manger. Et tu payes beaucoup d'argent. Tu payes beaucoup d'argent, mais tu n'as pas le côté spirituel. Tu vas en enfer. Tu vas redevenir mince. Tu seras belle, mais tu iras en enfer. Et les sorciers vont t'amener, ils vont encore attaquer ton subconscient pour que tu recommences à manger et des chocolats et tout ce qui est. Tu bois des trucs et tu bois et tu recommences. Tu vas maigrir pour un temps et après tu recommences encore à manger les mêmes choses parce qu'ils ont aiguisé ton appétit sur ces produits. Tu recommences à manger ces produits qui t'ont amené à grossir et c'est fini, tu recommences. Et c'est pourquoi. Elle est mince aujourd'hui, demain, grosse. Mince aujourd'hui, je suis un régime, bois des tisanes, bois ceci, et ainsi de suite. Mais si tu t'inscris là, tu vas voir que tu vas redevenir belle par la nourriture. Tu vas redevenir tellement belle, tellement beau, jeune. Et pourtant, tu es déjà âgé 70 ans, 90. Mon professeur aux États-Unis, le gars aujourd'hui a 95 ans, 98 ans. Mais si tu vois ce monsieur, s'il était célibataire, tu vas lui proposer ta petite fille, l'arrière-petite fille-là, épouser cette fille-là. Tu vas lui proposer cet enfant. Parce que tu vois, le gars est toujours jeune, robuste. Tu vois comment il saute, il bondit des activités sportives. Il mène ses activités spirituelles. Il ne tombe jamais malade. Ce n'est pas parce qu'il prie beaucoup. Vous pensez que tomber malade, c'est parce que je ne prie pas. Non, il y a l'entretien du corps d'abord. Il faut que tu sois enseigné dans ce domaine. Il faut t'inscrire. C'est ça le grand problème des chrétiens. Des chrétiens, on vient seulement prier matin, prier. Et d'autres meurent. Il y a des pasteurs. On va vous enseigner comment jeûner. Je vais aborder ça, comment jeûner. Il y a des pasteurs, j'ai vu sur Internet l'autre jour, un pasteur qui vient de jeûner et il est mort. Pendant le jeûne, il meurt. Vous pensez que le jeûne, c'est une technique. C'est une technique. On ne doit pas imposer le jeûne à qui que ce soit, disant tout simplement, les pasteurs aujourd'hui, c'est Jésus a jeûné. Jésus est Dieu, il connaissait le fonctionnement de son corps. Tu ne peux pas imiter Dieu. Dieu. Lui, il est Dieu, il connaissait le fonctionnement de son corps. Et tu ne sais pas ce qu'il a fait avant d'aller jeûner. Et toi, tu dis, je vais jeûner, je vais imiter Jésus. Et puis, tu détruis tout ton corps. Les organes internes sont déjà détruits. Alors, faisons très attention. Faisons vraiment très attention. Il faut faire attention parce que il y a des choses que vous ne devez plus faire. Si vous le faites, vous allez mourir parce que c'est pas parce que vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas un rôle d'alimenter votre corps. C'est pas son rôle. Il ne joue pas ce rôle d'alimenter votre corps. Vous avez la connaissance, un esprit qui doit avoir une connaissance. Comment alimenter mon corps? On ne doit pas alimenter le corps selon la tradition. Parce que dans ma famille, nous aimons manger les légumes, les feuilles de manioc. Et puis, c'est les feuilles de manioc que tu manges tous les jours. Et tu manges ça avec le chikwan, si c'est le chikwan, si on mange. Et tu vas trouver, coutumièrement parlant, tout le monde, tous ceux qui sont de cette ethnie la mangent. Tu arrives en Côte d'Ivoire, on mange beaucoup la tchéké. Et ils sont en France, ils mangent la tchéké. Ils mangent la tchéké. Mais va voir comment ils vont. Ceux qui viennent du Cameroun, moi je mange l'ondolé, j'aime toujours. Ça, ce sont des attaques. J'appelle ça des attaques télépathiques. Parce qu'à partir de ces démons-là, et c'est pourquoi tu vas développer des maladies. Parce que l'ondolé n'a pas tous les éléments nutritifs pour commencer. L'ondolé n'a pas tous les éléments nutritifs. Pas du tout. Il y a une combinaison. Équilibrer l'alimentation. C'est pourquoi, quand on te dit à la télévision, mange 5 fruits par jour. Ça ne veut pas dire que tu dois manger 5 papayes par jour. Ça ne veut pas dire que tu dois manger également 5 goyaves par jour. Ça ne veut pas dire que tu dois manger la même. Non, tu dois les sélectionner. Et une combinaison qui est scientifique et qui est médicale. Ça veut dire que je ne dois pas mélanger tel fruit et tel fruit avant de consommer. Est-ce que tu as cette connaissance? Non, tu n'as pas cette connaissance. Ce sont des attaques télépathiques. Et si tu entres dans cette éducation, dans cette école, c'est une école. Une école, on va t'enseigner beaucoup de choses. Et puis vous inscrivez, vous, maintenant, le site est en train d'être construit, mais inscrivez-vous parce que nous ne voulons pas être surchargés. Vous prenez seulement le numéro 00 33, si vous êtes à l'étranger, 6 43 98, 92, 24. Et venez, ceux qui sont en Europe, venez à la retraite du 13. La retraite, c'est le 13 décembre, pendant 3 jours. Et vous allez voir ce que le Seigneur va faire dans votre vie. Partagez, partagez, arrêtez de manger. Je mange le manioc chez moi, nous aimons manger le bâton de manioc. Et le bâton de manioc, avec ce bâton de manioc, on a déjà enlevé tous les éléments nutritifs, sont déjà partis parce qu'on a pressé. On emballe ce bâton de manioc. Ce sont les déchets que tu manges qui vont te rendre malade. Et pour aller au WC, tu vas faire 2 jours. Et tu gardes les toxines dans ton corps. 2 jours sans t'aller, sans aller. Et quand tu vas au WC, c'est comme une femme qui accouche. Il faut entendre comment tu pousses. Parce que c'est dur. Tu ne manges pas de fruits. Et quel type de fruits tu manges avec ça? Nous allons vous enseigner ce qu'on appelle la thérapie. Comment tu dois manger si tu es malade. Si tu es malade, la recette de l'appareil locomoteur, par exemple, on va vous enseigner des recettes pour tel appareil, les recettes pour l'intestin, c'est-à-dire ce que tu dois manger pour nourrir ton intestin. L'intestin a besoin des aliments spécifiques. L'intestin a besoin des vitamines spécifiques, des nutriments spécifiques. Votre intestin, c'est pourquoi il est faible. Votre estomac aussi. L'estomac aujourd'hui, j'ai mal à l'estomac, on te prescrit les produits, et ainsi de suite. Et aussi les recettes pour l'appareil urinaire. Urinaire, tu dois laver l'appareil urinaire en mangeant. Et Dieu a créé tous ces aliments pour une importance capitale pour le fonctionnement de ton organisme. Ça nourrit et ça nettoie en même temps. Mais si tu ne les consommes pas vraiment, c'est pourquoi tu auras des problèmes. Le foie a ces aliments. Ceux qui ont des problèmes de ce qu'on appelle l'hépatite B, l'hépatite C, l'hépatite... Entrez là-dedans, on va vous envoyer. Et naturellement, vous commencez à laver. Ton foie sera bien nettoyé. C'est ça le problème. Et vous aurez les recettes pour l'appareil urinaire, pour l'appareil reproducteur. Il y a des gens qui n'ont plus de sperme, les hommes. Il y a des femmes, l'appareil reproducteur, ça va développer des maladies. La prostate des hommes, et les hommes doivent s'inscrire parce que avec ces études, quand tu vas manger ces aliments qui seront prescrits pour toi, ça veut dire que la prostate, tu n'auras pas des problèmes de cancer, ni l'hypertrophie de la prostate, parce que la prostate, à un âge avancé, 50 ans, ça commence à gonfler. Et tu dois te préparer maintenant, pendant que tu es encore jeune. Et tu vas voir que tu ne passeras pas par l'utilisation bois Guinness pour avoir l'érection, aller manger des colas pour avoir l'érection, aller boire les Viagra, tout ça pour avoir l'érection. Non, tu auras l'érection naturelle. Ça sera une vibration parce que tu es en bonne santé, le sang circule correctement. On va te proposer des menus pour ça. Et toi-même, tu achètes, tu composes, tu manges parce que tu as la connaissance. Tu es formé comme ça chaque jour par la puissance du sang de Jésus-Christ. Vous voyez. Donc, vous aurez au niveau de l'appareil reproducteur, au niveau des os, au niveau également des infections, des maladies infectieuses, des maladies comme le sida, des maladies. Il y a une alimentation spécifique pour que ton système de défense puisse se régénérer, puisse, avec ton système de défense, à l'immédiat, le système de défense reprend vie. Même si tu prends les antirétroviraux, comment on les appelle, tu continues parce que on ne te demande pas de ne pas aller à l'hôpital, non. On ne dit jamais des choses comme ça. Un bon naturopathe ne peut jamais avancer des choses comme ça. Et un nutrithérapeute ne peut jamais avancer des choses comme ça. Mais si tu ne manges pas et si tu ne bois pas, c'est qui ne peut nourrir le corps et qui peut enlever tout le poison, parce que le médicament même, c'est déjà un poison. Ça a des effets secondaires. Et si réellement tu ne manges pas, tu ne bois pas des jus naturels, des fruits, et également des aliments qui peuvent nourrir tes organes, nettoyer les cellules, les 73 milliards de cellules que tu as dans le corps, si ce n'est pas nettoyé par les aliments, il n'y a pas un seul produit dans le monde entier qui peut nourrir un produit pharmaceutique, qui peut nourrir ton corps ou bien nettoyer ton corps. C'est tout simplement des aliments que Dieu a créés. Donc, vous voyez, nous allons vous proposer tout ça, tout ce que vous voyez ici, mais vous ne devez pas les consommer en désordre, par exemple. Si vous consommez en désordre, ça va vous tuer. C'est naturel. Mais si vous consommez en désordre sans une combinaison adéquate, ça va vous tuer. Ça va vous donner encore des maladies. C'est pourquoi il faut étudier. C'est très important. Donc, on vous enseigne ça spirituellement. Vous avez le spirituel, la sanctification, ce qu'on appelle la sanctification physique. C'est ce que Dieu a appelé. Je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est une sanctification corps. Ça, c'est la prospérité de ton âme alors. Parce que tu n'en verras plus dans le sang, parce que ton âme est nourrie par les aliments sains que tu manges, les boissons saintes que tu bois, l'eau. On va vous dire quel type d'eau que tu dois boire. Parce que les gens pensent que je bois, il dit à tout le monde, moi je bois de l'eau minérale. Est-ce que tu comprends, même l'eau minérale, tu ne dois pas boire ça à long terme. Ça devient toxique également pour ton corps physique. Même de l'eau minérale, là, tu ne dois pas boire ça à long terme. On doit t'indiquer la qualité d'eau que tu peux boire effectivement tous les jours. Et c'est ça qui nourrit les cellules de ton corps. Et on va te suivre de cette façon. Que Dieu te bénisse. Alors, voilà le numéro qui a été indiqué. Il faut venir pendant la retraite qui commence le 13. Et s'inscrire, ceux qui sont loin, vous êtes aux États-Unis, il faut vous inscrire, vous entrez sur WhatsApp avec ce numéro qui s'affiche 0033 643 98 92 24. Vous entrez sur WhatsApp, vous m'envoyez le message et cette semaine, on commence à vous inscrire. On vous envoie toutes les modalités et tout ce que vous allez faire. Il faut avoir le mail, il y a le site, on vous inscrit dans le site. Et puis, vous entrez sur votre plateforme où vous allez récupérer les vidéos d'enseignement et également les documents d'enseignement. On vous suit, on prie également pour vous. On vous enseigne et la parole de Dieu. On vous enseigne la prière, la délivrance, la prière, beaucoup de choses, la parole de Dieu, même les grandes doctrines chrétiennes, des révélations pertinentes. Et également, on vous suit spirituellement. Si vous êtes déjà inscrit, nous parlons des enfants de Dieu. Ce n'est pas une église, mais c'est le temple des nations. Ça veut dire que toutes les nations, toutes les nationalités, toutes les églises, on ne parle pas église, là où nous sommes, nous parlons des enfants de Dieu. Ne les dites pas quand vous venez, moi je te suis telle église, je ne veux pas savoir, vous sortez de telle église, non, ce n'est pas mon problème. Je veux savoir, est-ce qu'un païen peut s'inscrire pour rien que pour les problèmes du corps physique, tu t'inscris, on va accepter. On va accepter pour les problèmes du corps physique, problèmes d'alimentation, problèmes de ceci, parce qu'on va toucher la psychologie, donc la science du mental, tout ça. On touche tous les domaines de la vie. Parce qu'un être humain, c'est un ensemble. Si on touche un point, c'est ce qui fait mal dans le cœur du Seigneur. En ce qui concerne les églises de réveil, on ne fait que parler du spirituel. Spirituel, spirituel, spirituel. On ne touche jamais le corps physique. Le corps, on ne touche, on n'enseigne rien sur l'éducation du corps physique, sur les problèmes du corps physique. Dans les églises, on enseigne parce que le pasteur lui-même a des problèmes. Beaucoup de pasteurs ont des maladies qui viennent de l'alimentation, qui viennent du manque d'activité sportive, parce qu'il est là, c'est une rivière qui ne coule pas. Une personne qui ne mène pas une activité sportive est comme une rivière qui ne coule pas. C'est une mare d'eau. Au fond de cette mare d'eau, il y a quoi? Il y a la boue. Il y a la boue. C'est pourquoi ils sont tués par des maladies cardiovasculaires, sont tués par des maladies auto-immunes, ils sont tués par beaucoup de maladies. Des enfants de Dieu. Alors inscrivez-vous, que Dieu vous bénisse. Et demain, on se retrouve à partir de 20h également, une entrée spéciale. Conclusion, entre la sorcellerie et la télépathie, c'est la même personne qui est derrière ça, le diable. Demain, on aborde un autre thème. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de partager la vidéo. Soyez nombreux demain également à partir de 20h, heure de Paris, heure du Cameroun. Mais nous devons commencer tôt parce que le Cameroun nous suit en direct. Et quand je finis tard, il sort tard également. Nous allons modifier les horaires à partir de la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo.